grain de sable d'Attaque Québec. Aqui um outro mundo é possível se a gente quiser. Aqui um outro mundo é possível. Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition du Grain de Sable de l'année 2011. Alors le Grain de Sable, c'est cette émission préparée par l'équipe d'Attaque Québec qui vous propose un regard critique sur l'actualité internationale, politique, économique et autres. Alors la mise en onde ce soir est assurée par notre camarade Jeanne Gutiérrez, qu'on salue. C'est Cédric Leterme qui vous parle, puis je vais avoir le plaisir de passer cette heure en votre compagnie, puisque notre chère animatrice habituelle, Valérie Blouin, a malheureusement eu un empêchement. Alors rassurez-vous tout de suite, elle sera de retour sans faute la semaine prochaine pour le plaisir de vos oreilles. Mais alors en attendant, au programme aujourd'hui, je vous propose de commencer l'année par une petite sélection de quelques nouvelles que j'ai choisies parce qu'elles illustraient selon moi quelques-uns des défis auxquels on devra faire face en 2011. Donc je vous propose en fait en quelque sorte de mettre la table pour l'année qui vient en regardant à travers ces quelques nouvelles particulières les grands enjeux auxquels on va probablement devoir faire face et qu'on essaiera en tout cas de traiter au long de l'année dans l'émission. Alors ensuite, en deuxième partie d'émission, on aura le plaisir d'accueillir un tout nouveau chroniqueur. J'ai nommé Michel Monnet, qui viendra nous présenter une chronique qu'on pourra retrouver tous les mois aussi, qui l'intitule « L'État dans tous ses états ». Donc on lui laissera nous expliquer davantage en quoi consiste exactement cette chronique, puis il commencera ensuite en nous parlant d'une étude qui a été réalisée par le Centre canadien des politiques alternatives qui tourne autour de la question de l'impôt. Alors j'en dis pas plus, mais avant de commencer, on se laisse quand même quelques instants le temps d'une petite pause musicale pour se mettre en train. Donc retrouvez-nous tout de suite après, toujours sous les ondes de CKRL, pour continuer à cultiver tes goûts. On a entendu Jérôme Minière avec mon truc à moi. Merci Jeanne. Alors, de retour à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. On a terminé l'année, il y a 3 semaines, par une émission où on a essayé de faire un petit peu le bilan de 2010, en essayant de souligner un petit peu les grands enjeux qui avaient marqué cette année-là. Puis on avait évoqué aussi quelques-uns des défis qu'on estimait qui nous attendaient pour 2011. Alors maintenant qu'on est de plein pied dans 2011, ça y est, j'ai voulu revenir sur quelques-uns de ces grands thèmes-là, sur quelques-uns de ces grands dossiers qui risquent de revenir assez souvent tout au long de l'année. Alors pour ça, j'ai choisi d'essayer de me baser sur quelques nouvelles récentes qui, d'après moi, illustraient assez bien en fait ces enjeux-là. Donc j'ai essayé de sélectionner comme ça quelques petites nouvelles qui pourraient révéler un petit peu ces grands défis-là. Donc je les ai regroupées en 3 grands groupes qui correspondent en fait à des thèmes qui nous intéressent tout particulièrement ici au Grain de Sable. Donc c'est évidemment les questions économiques, mais aussi les questions environnementales et puis les questions géopolitiques aussi. Alors ce que je vous propose, c'est en fait de les passer en revue simplement et puis de voir en quoi ces petites nouvelles-là sont révélatrices de défis peut-être plus fondamentaux qu'on aura l'occasion d'approfondir alors tout au long de l'année. Donc on va commencer. Alors la première nouvelle, moi, qui m'a vraiment frappé ces derniers jours, comme étant tout à fait représentatif d'un des plus grands défis probablement auquel le monde entier en fait doit faire face à l'heure actuelle, c'est la nouvelle qui concerne les inondations dramatiques qui ont frappé l'Australie ces dernières semaines. Vous en avez probablement entendu parler, parce que c'est quand même relativement grave ce qui se passe là-bas pour l'instant. Ça se passe en fait dans la région du Queensland, c'est-à-dire le nord-est du pays, qui est une région où il y a beaucoup de mines de charbon, puis où l'agriculture est quand même assez importante. Et en fait, la région a subi des pluies carrément diluviennes qui ont causé des inondations historiques sur un territoire qui est large comme la France et l'Allemagne réunies. Donc je vous laisse imaginer l'ampleur de la catastrophe. Alors c'est vraiment assez impressionnant ce qui se passe là-bas. Mais c'est aussi vraiment très ironique puisque en fait ça fait plusieurs années que l'Australie subit une sécheresse quand même assez intense, à tel point que les réserves d'eau du pays en entier étaient arrivés à un niveau vraiment extrêmement inquiétant pour les autorités, donc ils avaient dû mettre en place toute une série de rationnements, de mesures de pénurie. Donc on voit vraiment le contraste entre 3-4 années de sécheresse extrême, puis tout d'un coup, pouf, des inondations gigantesques qui inondent littéralement une énorme partie du pays. Donc j'ai pris ce cas-là, le cas de l'Australie. J'aurais tout aussi bien pu prendre en fait l'exemple de la vague de froid qu'il y a eu par exemple pendant le temps des fêtes, qui s'est abattu sur l'Europe, qui a connu aussi une vague de froid sans précédent, ou encore, on a tous entendu parler du blizzard assez violent qui s'est abattu sur New York dans les semaines qui ont précédé. En fait, c'était juste pour illustrer finalement une tendance plus générale, qui est la tendance à l'amplification des phénomènes climatiques extrêmes, et qui est une des conséquences bien connues maintenant du réchauffement de la planète. Or, c'est vrai que c'est quelque chose auquel il va falloir s'habituer, c'est un des gros défis, on en a beaucoup entendu parler en 2010, on va probablement en entendre de plus en plus parler avec le temps qui passe. Il va falloir s'habituer d'une part à cette augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, puisque la Terre se réchauffe, ça n'y a rien à y faire, mais ça renvoie aussi évidemment à l'urgence de s'attaquer sérieusement aux défis environnementaux, puisque c'est vrai que la Terre se réchauffe, mais l'homme y est pour beaucoup. Or, d'après les experts, il est encore temps d'intervenir si on veut avoir une chance d'éviter que la situation devienne vraiment hors de contrôle. Il est encore temps de faire quelque chose, on peut encore avoir une certaine influence sur le degré d'augmentation et donc sur le degré finalement de catastrophe qui pourrait survenir à l'avenir. Alors ce qui va être intéressant évidemment à suivre cette année à ce niveau-là, c'est forcément d'une part la poursuite des grandes négociations au niveau international, ça c'est évident. On sait qu'il y a un accord qui a été conclu à Cancun à la conférence des Nations Unies en décembre dernier. C'est un accord qui reste très vague sur beaucoup de points importants. D'ailleurs, la plupart des experts et la plupart des organisations environnementales étaient assez déçus, il faut le dire, à la suite de la conférence, puisque les points importants restent complètement dans le vague et les engagements qui sont pris sont en tout cas nettement insuffisants, et d'autant plus quand on connaît l'urgence de la situation. Mais malgré tout, il y en a beaucoup qui disent que ça reste un accord, les États se sont engagés à faire quelque chose, donc ne fût-ce que ça, c'est déjà positif. Ce qu'il faudra voir, c'est ce qui va en sortir, donc évidemment, on va suivre très attentivement, et puis on essaiera d'analyser cette évolution-là, et notamment ce qui va ressortir de la prochaine réunion, donc la prochaine réunion de l'ONU qui va se tenir sur le climat, c'est prévu au mois de juin 2011 à Bonn, en Allemagne. Donc on va suivre ça de très près, mais à côté aussi de ces grandes négociations internationales, c'est certainement très important, puis ça attire beaucoup l'attention, et c'est très bien. Il y a aussi, il faut le dire, tout un travail de terrain qui s'effectue au jour le jour par des organismes locaux, par des mouvements citoyens, que ce soit des initiatives individuelles ou des initiatives collectives. Il y en a une foule qui essaie vraiment de changer petit à petit les mentalités, qui essaie de changer les habitudes de vie, les habitudes de consommation, d'essayer de développer de nouveaux rapports à la Terre, de nouveaux rapports humains aussi. Et ça, évidemment, c'est un aspect dont on entend peut-être moins parler, parce que c'est moins spectaculaire et ça focalise moins l'attention. Mais c'est tout aussi essentiel pour parvenir à essayer de mettre en place des changements durables puisqu'on ne peut pas se contenter finalement d'attendre que le changement vienne par le haut. Il faut aussi, nous, à notre petit niveau individuel, essayer de changer les choses dans la mesure du possible. Donc, c'est un engagement, on va dire que c'est de résolution pour le grain de sable. On va vraiment essayer de s'efforcer de relayer cet autre aspect de la question écologique ici au grain de sable, en faisant écho un maximum. Je crois qu'on l'a déjà plus ou moins fait l'année dernière. On va essayer de continuer en tout cas à le faire, si ce n'est plus, de donner un écho maximum aux initiatives locales qui existent. Et il en existe, il y a vraiment énormément de choses qui se font à Québec notamment, mais aussi dans la région de manière plus générale. Et donc, on va essayer d'en rendre compte le plus fidèlement possible, puis peut-être essayer de vous encourager aussi à y participer éventuellement, si pour ceux que ça intéresserait. Donc ça aborde la question environnementale, qui pour moi est probablement une des questions les plus prégnantes qui va avoir lieu cette année-ci. Pour passer maintenant au deuxième sujet, qui est peut-être le sujet plus traditionnel d'Attac, qui est la question économique. C'est là-dessus qu'Attac développe la plupart de ses analyses, même si évidemment les questions environnementales et les questions sociales sont fondamentalement liées, donc ça oblige Attac aussi à toucher à ces enjeux-là. Mais c'est vrai que la question économique, c'est plus traditionnellement son point d'expertise particulier. Là aussi, forcément, c'est un des gros thèmes du moment. On le sait très bien, on n'arrête pas d'en entendre parler avec la crise mondiale qui ne s'arrête pas. On n'arrête pas de dire que ses effets vont s'atténuer, mais puis on revoit toujours les appréciations à la baisse. Donc ici aussi, j'ai retenu une nouvelle qui me paraissait assez révélatrice des enjeux au niveau économique. C'est une nouvelle qui est parue dans Le Devoir il y a 2-3 jours, et dont le titre, mais finalement le titre disait tout, c'est le titre disait « La crise a épargné les grands patrons ». L'article citait en fait une étude qui montrait que les salaires des grands patrons n'avaient que très peu souffert de la crise, et que donc s'ils avaient légèrement baissé, ils allaient probablement de toute façon repartir à la hausse assez vite. Alors quand on dit légèrement baissé, il faut quand même mettre ça en perspective. Ce que l'article dit, c'est qu'en moyenne en 2009, les 100 plus grands patrons au Canada ont gagné 6,6 millions de dollars sur un an. Donc évidemment, c'est des chiffres absolument énormes, et ça relativise tout de suite l'ampleur de la baisse, entre guillemets, qu'ils ont connue. Évidemment, on a souvent du mal un peu à se représenter des chiffres aussi extravagants, quoi, ça paraît gigantesque. Donc ce que je trouvais bien aussi dans cet article-là, c'est qu'il essayait de donner des clés pour pouvoir se représenter les montants en jeu, et d'essayer de donner des illustrations. Et on a une qui m'a paru particulièrement pertinente. Il y a des experts qui étaient interrogés sur la question, qui disaient en fait que en 2008, les chefs d'entreprise avaient gagné le premier jour de janvier à midi l'équivalent du salaire annuel moyen d'un travailleur canadien. En 2009, pour qu'on ait une idée de la baisse qui était survenue, ils ont gagné l'équivalent d'un salaire moyen canadien seulement à 14h30, mais également le premier jour de janvier. Donc on voit à quel point la baisse est ridicule, et en plus, ce que les experts disent, c'est que ça va probablement repartir à la hausse. Donc déjà là, on a une meilleure idée de l'ampleur des chiffres. Pour continuer aussi dans les comparaisons, l'article disait que en 1995, les grands patrons avaient gagné 85 fois le salaire d'un employé moyen. Donc c'est déjà gigantesque. Par contre, en 2009, c'est 155 fois le salaire d'un travailleur moyen que ces mêmes grands patrons avaient empoché. Donc on voit que c'est une évolution qui est absolument considérable, mais en plus c'est un écart qui se creuse de manière continue depuis 20 à 30 ans. Alors au-delà en fait du côté profondément choquant finalement de la nouvelle, hein, du côté un petit peu, bon, c'était le but aussi, c'était de créer une réaction en donnant ces chiffres-là, au-delà de ce côté-là, qui l'est d'autant plus d'ailleurs quand on sait que les salaires moyens n'ont pratiquement pas augmenté, voire pas du tout depuis 30 ans, mais ce que je trouvais que ça illustrait, c'était que finalement ça illustrait très bien la logique à l'œuvre dans notre système économique actuel, qu'on a souvent dénoncé ici au grain de sable, puisque c'est probablement un des principaux cheval de bataille d'Attac. Mais ces résultats-là, c'est finalement le résultat direct de l'idée selon laquelle il faudrait intervenir le moins possible dans l'économie, selon laquelle notre salut doit passer absolument par l'initiative privée. Donc ça implique de diminuer les taxes, de diminuer les protections sociales, de s'assurer que les emplois soient le plus flexibles possible, de favoriser au maximum la compétitivité des entreprises, de manière à ce qu'elles puissent s'enrichir un maximum. Et la logique derrière ça, c'est que le succès de ces entreprises-là se répercutera automatiquement sur l'ensemble de la société. Donc ça, c'est la logique qu'on met en avant depuis un certain nombre de temps maintenant. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est pas du tout le cas, ça fonctionne pas du tout comme ça. Et ça aboutit surtout à des inégalités colossales. D'ailleurs, les chiffres qui sont cités dans l'article le montrent très bien, il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont à l'appui. Puis c'est des tendances en plus qu'on retrouve à peu près partout dans le monde où on applique ce modèle néolibéral-là. Alors ce qui est particulièrement incroyable, c'est que malgré les échecs répétés de ce modèle, et bon, le plus récent et probablement le plus dramatique, c'est évidemment la crise des subprimes qui a éclaté en 2007 puis qui s'est transférée à l'ensemble de l'économie mondiale, mais malgré ces échecs-là, on continue de prétendre que ce modèle est la seule solution économique possible et viable et que toutes les solutions doivent passer par là. C'est particulièrement vrai ici au Québec à l'heure actuelle, on observe vraiment une offensive assez importante de la droite. On pourrait citer le réseau Liberté Québec, mais qui finalement n'est qu'un exemple et qui est assez marginal, puisque il suffit de penser aux attitudes du gouvernement Charest à l'heure actuelle, où on pensera aussi à la composition de son budget, où on observe vraiment une tentative de privatisation rampante, d'attaque en règle contre les services publics. Donc on voit que c'est vraiment un discours qui continue d'être dominant. Donc si on devait en tirer quelque chose pour 2011, bah, ce sera certainement un autre grand défi de l'année, d'essayer de résister un maximum à ce discours-là. Mais au-delà de cette attitude un petit peu défensive, il va falloir aussi passer à l'offensive, puis rappeler encore et encore qu'il existe des alternatives, parce qu'il en existe. ATTAC en propose souvent, ATTAC en a vraiment développé beaucoup dans ses différentes branches. On peut en citer quelques-unes, c'est-à-dire dans les mesures peut-être plus d'urgence qu'on pourrait appliquer pour faire face au problème du manque de ressources publiques, puisque c'est souvent le problème qui est le plus soulevé. Il y a évidemment la lutte contre les paradis fiscaux, qui pourrait ramener une quantité énorme d'argent pour financer des services publics qui sont essentiels. On pourrait citer aussi l'imposition d'une taxe sur les transactions financières, qui elle aussi serait un bon moyen de profiter des sommes colossales qui sont échangées sur les marchés financiers, mais finalement au bénéfice de quelques-uns. Donc ça, c'est peut-être des mesures plus d'urgence qu'on pourrait appliquer assez facilement, mais plus fondamentalement, il s'agirait aussi, évidemment, d'œuvrer à une démocratisation maximum de l'entreprise, c'est faire en sorte que l'entreprise fonctionne pour la collectivité, non pas pour quelques-uns ou quelques actionnaires. Ça implique évidemment plus largement de démocratiser l'économie, de faire en sorte que tous les secteurs de la société soient impliqués dans la définition des objectifs économiques, donc politiser finalement beaucoup plus l'économie que ce qu'elle l'est maintenant. Et puis ça implique aussi de s'attaquer à la finance, de se dire une fois pour toutes, est-ce que la finance sert la société ou est-ce que c'est la société qui sert la finance ? Je crois qu'à l'heure actuelle, la réponse elle est assez évidente, donc il faudra en tirer les conclusions, et puis en tirer surtout les réformes et les changements de structure qui s'imposent, quoi. Donc c'est sûr que toutes ces choses-là, elles se feront pas toutes seules, donc ça nécessite forcément une mobilisation citoyenne pour essayer d'exiger qu'on les mette en place, mais c'est faisable, il y a des choses qui peuvent être faites. Donc sur ces belles paroles, je crois qu'on va déjà se quitter un petit instant, le temps d'une première pièce musicale sélectionnée par notre dévoué metteur en onde, Jeanne Gutiérrez. Donc restez bien avec nous, puis on continuera ce petit tour d'horizon des grands défis 2011, avec un regard ensuite plutôt du côté des enjeux géopolitiques. Donc à tout de suite. Joyeusement désespéré, désespérément joyeux, tirez les joyaux de la joie comme les marrons du feu. Oui, ça brûle un peu les doigts, dramatisons pas. Je méprise pas le charbon, c'est bon pour l'estomac. L'amertume enrhume et le dégoûtané. La vie nous déplume, la mort nous pend au nez. Allez! Désespéré et désespérément joyeux, faut les avoir accrochés devant tous les fâcheux et pas perdre son sang-froid quand on est la proie d'un regard à se reprocher, d'un faux pli, d'un faux pas. Il y en a qui m'énervent tant ils sont poignés, mais qu'on me le sauve celui qui est toujours gay. Allez, joyeusement désespéré et désespérément joyeux, on se prend des petits bonheurs dans les tas de pesanteurs. Si les gens sont lourds, c'est pas du côté du cœur. Après coup ils courent, sont-ils en retard à la bonne heure? Vamonos, vamonos, vamonos, vamonos a alegría y encelamos a todos. Leur marée noire. semblant. Alors faut semblant. Joyeusement désespéré et désespérément joyeux. À tout va et à tout prix, on sourit à la vie. N'en déplaise aux gens sérieux, aux morts vivants, aux ténébreux. Seulement drôle à l'Halloween et employé du spleen. La vie c'est une enclume, il faut se la taper. Ben sois marteau, plume et forge ton épée. Sois marteau, plume et forge ton Chango Family avec Joyeusement Désespéré. Merci Jeanne. Alors de retour au Gratte-Sable sur les ondes de CKRL toujours, c'est toujours également Cédric Le Terme qui vous accompagne aujourd'hui tout au long de cette heure ensemble. Alors vous aurez bien sûr le plaisir de retrouver votre animatrice unique et préférée Valérie Blouin la semaine prochaine. Alors on était en train d'évoquer avant la pause quelques-uns des enjeux qui s'annonçaient importants pour l'année 2011. Puis j'essaie de le faire à partir de, d'une sélection de quelques nouvelles dans l'actualité des derniers jours, des dernières semaines, qui d'après moi illustraient justement ces défis qui nous attendent pour l'année qui vient. Alors j'ai parlé avant la pause des gros dossiers que sont évidemment l'environnement puis l'économie aussi. Je voulais passer maintenant à un autre domaine qui est assez important, qui est plus politique et plus précisément géopolitique. Puisque là aussi, 2011 s'annonce probablement comme une année pleine de rebondissements, ou en tout cas une année où on va assister à des gros bouleversements qui ont déjà commencé avant, mais qui vont probablement donner de nouveaux effets. Donc ce serait intéressant de suivre aussi ce qui se passe à ce niveau-là. Alors la nouvelle à partir de laquelle je voulais aborder cet enjeu précis-là, c'est une nouvelle qui en soi finalement n'est pas extrêmement importante. En plus, c'est une nouvelle qui relève probablement plus du domaine économique. Vous allez me demander pourquoi est-ce que j'ai sélectionné celle-là. Mais en fait, c'est parce qu'elle révèle vraiment un changement fondamental dans les relations de pouvoir au niveau mondial. C'est pour ça que je la trouvais vraiment importante. Ça s'est passé il y a deux jours. Le vice-premier ministre chinois, Monsieur Li, était en visite en Espagne pendant ces jours-là, dans le cadre d'une tournée européenne qu'il fait pour l'instant. Et alors, dans le cadre d'une conférence de presse qu'il a donnée à Madrid, il a annoncé que son pays soutiendrait financièrement l'Espagne. Il faut savoir que l'Espagne connaît des grosses difficultés financières pour l'instant. Les marchés sont en train de lui mener la vie assez dure. Suite notamment à la crise du secteur de l'immobilier, qui est résultat de la crise économique mondiale. Et donc, le vice-premier ministre chinois a annoncé que son pays soutiendrait l'Espagne, qu'il continuerait d'acheter des dettes publiques espagnoles. Et puis aussi, il a affirmé que la Chine souhaitait voir une Europe unie, forte et stable. Moi, ce qui m'a vraiment frappé là-dedans, c'est qu'on voit très bien à travers cette seule déclaration tout le basculement qui est en train de s'opérer au niveau mondial, avec évidemment la perte d'influence de l'Europe, qui, après avoir régné sur le monde pendant deux siècles, mais de moins en moins importante, mais plus généralement aussi du camp occidental, qui a été particulièrement touché par la crise, qui a vraiment beaucoup de mal à s'en remettre, alors que certains pays qu'on dit émergents, comme évidemment la Chine, mais on pense aussi à l'Inde, au Brésil, eux se sont remis assez vite de la crise et puis eux continuent leur croissance phénoménale, ils sont vraiment en plein boom économique. Donc si on avait montré probablement cette déclaration là à un diplomate européen il y a de ça 20 ans disons, il aurait très certainement éclaté de rire, il se serait demandé c'est gentil de la part de la Chine, mais de quoi est-ce qu'elle se mêle? Or c'est vrai qu'à l'époque la Chine ne faisait que se réveiller, elle était encore très très loin d'être un gros joueur. Mais aujourd'hui, la Chine est la deuxième économie mondiale et elle est surtout le plus gros prêteur de la planète. Donc ça amène évidemment des changements extrêmement importants au niveau international. Même les États-Unis qui, évidemment, ils gardent quand même une sérieuse avance au niveau économique. Il ne faut pas non plus exagérer les succès de la Chine. Parfois, on a un petit peu tendance à tomber dans le fantasme. La Chine fait quand même face à des obstacles assez sérieux. Et il faudra voir comment est-ce qu'elle va gérer ces obstacles-là. Mais n'empêche que même les États-Unis commencent à sérieusement se rendre compte qu'ils ne peuvent plus du tout faire cavalier seul, comme ça a été le cas jusqu'à encore récemment. On peut peut-être de nouveau rappeler une déclaration que Barack Obama lui-même a fait il n'y a pas longtemps, qui m'a vraiment choqué, où il disait... les États-Unis n'accepteront pas d'être deuxième mondial. Donc c'est vraiment fou, parce que là aussi, dans cette déclaration-là, on voit tous les changements qui sont en train de se faire, puisque ça veut dire qu'ils considèrent que c'est une menace plausible, ils considèrent que ça pourrait arriver. Donc évidemment, tout ça va avoir des conséquences considérables sur le système international, sur la façon dont il est géré, puisque jusque-là, les règles du jeu en fait étaient largement dictées par les pays occidentaux et pour leurs propres intérêts. Donc il va falloir voir maintenant comment le rééquilibrage qui est en train de se faire au niveau politique forcément au niveau économique, les deux sont intimement liés évidemment au niveau international. Comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que ça va se traduire? Donc là aussi, bah, c'est évidemment des questions vraiment passionnantes qu'on va essayer de suivre de très près, en tout cas cette année, puis on essaiera de vous proposer des analyses là-dessus aussi. Donc c'est à peu près tout en fait pour ce petit rapide coup d'œil des quelques-uns des thèmes, bon, à mon avis, qui sont à suivre pour l'année 2011. C'est vrai qu'on aurait probablement pu en sélectionner d'autres, il y en a beaucoup d'autres, hein, la liste aurait pu être plus longue, mais je crois que ça cerne quand même assez bien certains des éléments les plus importants, en tout cas qu'on va retrouver dans le domaine politique, dans le domaine environnemental et dans le domaine économique au niveau mondial, ou en tout cas au niveau des thèmes qui sont chers à ATTAC et que nous on essaiera de suivre attentivement. Donc ben là-dessus, on va se quitter. Le temps d'une pause publicitaire, on est déjà à la moitié de l'émission. On se retrouve après avec Michel Monnet, notre nouveau chroniqueur, qui va venir nous présenter sa toute nouvelle chronique, L'État dans tous ses états. Donc je vous invite vraiment à rester avec nous, ça devrait être fort intéressant. Puis on se retrouve tout de suite. Chaque vendredi, les soirées du bleu ou noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de microbrasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du bleu au noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 88 529 3829. CKRL a des espaces à bureaux à louer. Contactez votre courtier immobilier agréé Remax Fortin-Delage, Jean-Philippe Deschênes, 88-653-5353. CKRL 89.1. Les vendredis à CKRL, la soirée se décline du bleu au noir. 18h30, Jean-Baptiste Duvigneault et Goulvendi vous proposent les meilleurs rythmes groove avec 100% dynamite. 20h, l'incontournable soirée blues de Michel Dubois, rue d'Auteuil. 22h, on tombe dans le noir. L'univers métal de Démentiellement Vôtre avec Olivier Bercelli. Minuit, la filière métal se poursuit avec Fantasmagorie, animé par Éric Lizotte. Le vendredi soir dès 18h30. CKRL 89.1. Le dimanche, 22h. Laissez-vous entraîner dans l'univers burlesque et absurde de Dr Franco, un vaccin contre la morosité. La soirée du bleu au noir est une présentation du Bal du Lézard. 1049 3e Avenue, 88 529 3829. Le Bal du Lézard. Plus d'asile face au mépris, c'est la samba des grosses bédaines. Encore une bonne semaine. Dans les rues, dans les taudis, de plus en plus de gens s'affairent à tout foutre en l'air. Lendemain bain de sang qui boude et sous la marmite des sous. On arrive au bout. Bout du gris, bout du docile, aux mains des gestes indélébiles. Bout du bout des tabous. Bout du gris, bout du docile, face aux gestes d'imbéciles. Bout des paras. Geste de gestionnaire. Coupure au pas de pas d'allure. Voilà au bar des croque-mitaines. Encore une maudite bonne semaine. Sous gâchis de honte bue, de plus en plus de gens se déplient. Caviar pour les doigts en l'air. Geste de gestionnaire. L'asile face au mépris, c'est la samba des grosses bédaines. Fini les bonnes semaines. Où tu gris, où tu dociles, face aux gestes d'imbéciles. Où tu bouges, où d'état. Des boudins de sang qui bougent. Sous la marmite des sous, geste de gestionnaire. Entendu à Bory avec Geste de gestionnaire. Merci Jeanne. Alors vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable ici à CKRL pour la deuxième partie d'émission. Alors on est rejoint en studio par Michel Monnet, notre tout nouveau collaborateur, qui va venir nous présenter une fois par mois une chronique qu'il a intitulée L'État dans tous ses états. Bonjour Cédric. Bonjour Michel, hein, bienvenue parmi oui, nous. Oui, oui, il fait froid dans le studio, mais ça va. On va essayer de se réchauffer sur le contenu. Oui, voilà. Donc peut-être juste pour te présenter brièvement avant de commencer, donc toi tu es conseiller syndical, oui. Tu es militant de gauche. Voilà, et tu es également blogueur depuis 7 ans maintenant, et tu t'intéresses en particulier à la blogosphère à Québec, c'est ça? Oui, en ce moment, oui, j'ai en fait j'ai une chronique d'ailleurs à CKRL lundi matin à l'émission de Raymond avant 9h tout est possible, c'est la chronique sur la Capitale Blog. Voilà. Je suis les blogs de Québec depuis quand même plusieurs mois et il se dit des choses intéressantes à Québec. Ouais, il se dit des choses. Oui. Mais j'ai blogué aussi beaucoup sur des questions internationales pendant plusieurs années. Okay. Donc, tu vas nous faire profiter de ouais, je vais tenter. Ce savoir tenter. Accumulé. Voilà. Excellent. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement ben d'abord le concept de ta chronique, un petit peu en quoi ça consistera, quels sont les thèmes que tu comptes aborder? L'État dans tous ses états, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a une remise en question de l'État, du rôle de l'État, ça fait quand même quelques décennies, mais je sens actuellement que il y a comme des attaques qui sont plus concertées et qui s'en prennent même au fondement même de la raison pour laquelle on a mis en place des États. C'est quand même une des grandes conquêtes. Bon, les États, évidemment, datent d'avant la démocratie, mais c'est une des grandes conquêtes aussi de la démocratie. Il y a eu des parlements qui ont voté des programmes publics, qui ont voté des services publics, qui ont tenté d'améliorer le niveau de vie. Mm-hmm. On a quand même un niveau de vie ici tout à fait, si on se compare au niveau de vie ailleurs dans le monde, il faut avoir fait le tour de ce qui se passe ailleurs pour le dire. On a quand même un niveau de vie tout à fait acceptable ici. Mm-hmm. Il y a des choses à améliorer. Mais de là à dire on va complètement évacuer l'État et on va laisser les individus se débrouiller parce qu'ils vont être comme ça plus autonomes, plus responsables. Il y a quelque chose qui va pas, là. Et je vais tenter un peu d'explorer différents aspects, justement, du rôle de l'État pour faire comprendre que ben c'est quand même important qu'on se porte à la défense de l'État sans aveuglement, mais qu'on se porte à la défense de l'État. Une idée de bien public après oui, tout à fait. Quoi. Oui, et aussi de comment dire qu'on est toujours mieux collectivement qu'individuellement. Tout à fait. Bon, écoute, tout un programme, en tout cas, on se réjouit. Mais on peut peut-être plonger dans le vif du sujet d'ores et déjà. Oui. Alors aujourd'hui, pour cette première chronique, tu vas probablement en étonner plus d'un, puisqu'il paraît qu'on aurait eu intérêt, pour des raisons qui sont bassement mercantiles, à ne pas avoir de baisse d'impôts, à ne pas avoir les baisses d'impôts qu'on a eues. Non, en tout cas, c'est ce que prétend une étude dont tu vas nous parler, qui a été publiée il y a 2 ans. Mais on en a peu parlé dans les médias, donc on va essayer de remédier à cette situation-là. Oui, donc, c'est malheureux. C'est le Centre canadien des politiques alternatives qui fait des études qui publie régulièrement des études sur les questions économiques et sociales, qui a une perspective progressiste, mais effectivement, elles ont peu d'écho dans les médias, c'est malheureux. Mais là, en 2009, il a fait une étude qui a, en quelque sorte, démontré, chiffres à l'appui, analyse à l'appui, que, bon, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça que d'accepter les baisses d'impôts. On devrait peut-être, justement, dire au gouvernement, non, gardez l'impôt et offrez-nous les services publics qu'on a en échange, parce que finalement, on y est gagnant. À peu près tout le monde y est gagnant. Donc, ça va plutôt à l'encontre de ce qu'on entend à longueur de journée. On a plutôt tendance à dire, ah, les services publics, il en faut parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin et tout ça, mais tout le monde profite des services publics, tout le monde. Alors, justement, cette étude-là en particulier, sur quelles données est-ce qu'elle se base, en fait? Des données de Statistique Canada. OK. Par exemple, la base de données sur les recettes et les dépenses publiques. Ça, c'est intéressant parce que ça permet d'établir sur des comparaisons uniformes entre les revenus et les dépenses publiques à travers tout le Canada. La base de données aussi, il y a un modèle de simulation de politique sociale parce que chaque fois qu'on veut mettre sur pied une politique, il faut voir quels sont les impacts. On fait des analyses de coûts-bénéfices pour voir que si finalement les impacts négatifs sont plus grands que les impacts positifs, mais là, évidemment, on la fait pas. Donc, ça sert à ça. Et l'enquête aussi sur la dynamique du travail et du revenu. Alors, à quoi servent, entre autres, les revenus des familles? D'accord. Donc, c'est des sources fiables. Donc, c'est ça, des sources fiables. Et c'est fait par des gens quand même fiables aussi, entre autres Richard Shillington, qui est associé principal d'Informmetrica, qui est une société de conseil en économie d'Ottawa, puis qui a un diplôme de troisième cycle en statistique. OK. Alors, c'est quand même pas rien, là, c'est ça. C'est ça. Que d'analyse quantitative. Donc, il connaît vraiment bien. Là. OK. Et alors, qu'est-ce que les auteurs ont voulu mesurer, finalement? Ils ont comparé les avantages liés aux services publics, à la fois fédéraux, provinciaux et municipaux, et les avantages associés aux récentes réductions d'impôts. Okay. Alors, est-ce que c'était plus avantageux d'accepter les réductions d'impôts, comme je le disais tantôt, que de recevoir les services publics? Okay. Et ce qu'ils ont conclu, finalement, c'est que... Comment dire... j'oubliais de mentionner avant que, évidemment, ça a été fait pour les ménages et pour les groupes de revenus. Okay. Donc, pour différents groupes de revenus, là, sur le spectre de l'ensemble des groupes de revenus. Et ils ont mesuré, là, finalement, quels sont les avantages que les gens retirent des services publics par rapport aux impôts, finalement, qu'ils laisseraient tomber. Et donc, quel résultat est-ce qu'ils obtiennent, alors, justement? Alors, au niveau des résultats, ils ont conclu d'abord de façon globale que les services publics sont beaucoup plus avantageux que les réductions d'impôts. Ça, c'est très clair. Il aurait mieux valu que le gouvernement ne retourne pas l'argent dans les poches des contribuables parce que le coût des services publics diminué ou perdu est plus lourd que les sommes supplémentaires qu'on a obtenues. Ils ont même chiffré l'avantage moyen pour l'ensemble des Canadiens. C'est 15 000 $ par habitant. Ouf. Alors, c'est quand même pas rien. Quand on sait qu'une année de salaire minimum ici au Québec, j'ai fait le calcul et je l'ai mis à 35 heures semaine, 9,50 $, le taux actuel, c'est 17 000, autour de 17 000 $ Okay. Alors, 15 000 $ c'est quand même pas rien. Hein. Donc, c'est... Oui, mais quand on pense aux services qu'on a en éducation, en santé et tous les autres services publics, c'est quand même des services qu'on n'a pas à payer. Un exemple, ils sont allés même jusqu'à estimer en quoi renoncer à certaines baisses d'impôts était plus avantageux. Par exemple, ils ont calculé que 80% des Canadiens se seraient mieux portés si, au lieu de réduire la taxe de la TPS d'un point de pourcentage, ici au Québec, on l'a récupéré, tant mieux. Le gouvernement Harper avait transféré les fonds aux administrations locales pour accroître, améliorer les services publics. Ça, c'est un premier exemple. 80%, c'est énorme. De même, 75% des Canadiens auraient été mieux si le gouvernement avait investi dans les soins de santé publique et d'éducation au lieu de procéder à des réductions généralisées d'impôts sur le revenu. qui ont eu lieu à la fin des années 90, au début des années 2000. Mm-hmm. Et on le voit aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y avait dans le Devoir, justement, un article portant sur une clinique qui vient d'ouvrir, une clinique qui propose, finalement, de faire une veille, espèce de veille des enfants, là. C'est une clinique, c'est $975 par année que ça coûterait pour pouvoir appeler et avoir finalement quelqu'un qui répond à nos questions là si nos enfants ont des problèmes de santé et c'est pouvoir clair. Diriger vers le bon médecin. Ouais, c'est une bonne idée de ce que ça donne privatisé. Ouais, voilà, c'est que chaque fois qu'on laisse tomber les services publics, ben il faut que les gens sortent de l'argent de leur poche pour le payer. Est-ce qu'il y a un autre exemple? Un troisième exemple, c'est au niveau de l'imposition des gains en capital qu'ils ont réduit du tiers au début des années 2000. C'est 88% des Canadiens qui s'en seraient trouvés mieux si on avait décidé de garder cet argent-là et plutôt la mettre dans les services publics. D'accord. Alors, ça remet vraiment en question l'ensemble de la politique de réduction d'impôts qui a été appliquée depuis quand même un certain temps. Là, oui, parce que on oublie que quand on ne paie pas d'impôts, ben il faut si on ne paie pas de nos poches, il faut sortir de l'argent de l'autre poche pour payer un service. Il faut l'avoir de toute façon le service. Mm-hmm. Alors, puis l'État, en plus, quand s'en occupe, généralement, peut faire des économies d'échelle, il peut faire aussi des économies de publicité, etc. Donc c'est souvent faux aussi de dire que l'État est moins efficace, parce qu'à certains égards, eux, ils ont estimé, par exemple, que les avantages, le coût, finalement, les bénéfices étaient nuls. Okay. Alors, c'est pas, c'est dans l'analyse de coûts-bénéfices, là. Mm-hmm. Il n'y a pas, autrement dit, si je mets 300 millions, j'ai un bénéfice de 300 millions. Donc, ils ont été très, très conservateurs, là, estimé, finalement, l'avantage qu'on a à avoir les services publics. Et même en étant conservateurs, ils arrivent quand même à des résultats qui sont assez probables, ouais. Effectivement. Oui. Alors, est-ce que tout le monde y gagne finalement, peu importe son revenu? Oui. Peu importe le revenu finalement, tout le monde y gagne. J'ai devant moi d'ailleurs un graphique. J'invite les gens à aller voir l'étude qui s'appelle l'Aubaine discrète du Canada sur le site du Centre canadien de politique alternative. Mmh. Et j'ai un graphique qui est à la page 13 où on voit très bien là la répartition finalement des avantages pour l'ensemble des tranches de salaire. Et on voit qu'à partir de peut-être autour de 40 000, 40 à 50 000 $ et dans les tranches suivantes, c'est à peu près toujours le même niveau finalement d'avantages qu'on en tire là, en termes pécuniers. Okay. Et bon, on peut se dire oui, mais c'est pas très progressiste. Ça veut dire que les gens qui ont des meilleurs salaires en retirent autant que les gens qui en ont moins. Mais il faut aussi se dire que on peut voir ça de l'autre côté de la lunette, c'est-à-dire que quand tu as un salaire moindre, le montant dont tu bénéficies finalement, l'avantage dont tu bénéficies, il représente une beaucoup plus grande proportion de ton salaire que si tu as un salaire, par exemple, pour 66 000, ils ont estimé que c'est à peu près, ça équivaut à peu près 60, pour une famille moyenne canadienne, là, 2,6 enfants, ça n'existe pas, mais c'est une statistique, ils ont estimé que c'est à peu près 63% de l'équivalent du salaire, du revenu finalement que les gens retirent en avantage des services publics. Okay. Alors, c'est quand même pas rien, mais bon, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est tous les autres services dont bénéficie cette famille-là. Oui. Est-ce que ça se vérifie aussi dans le temps? Oui. Ça, ils ont fait cette analyse-là. Ils ont réparti l'utilisation des services publics parce que l'utilisation des services publics varie dans le temps. C'est-à-dire que, évidemment, les jeunes familles utilisent davantage les services en santé, en éducation. Et quand on est plus vieux, bien là, c'est plus les transferts fédéraux, par exemple, les régimes de pension. Et c'est aussi, évidemment, la santé dont on bénéficie. Mais ils ont constaté, effectivement, que c'est à peu près égal dans le temps, finalement, peu importe. Non seulement c'est égal selon les tranches de revenus, mais c'est égal dans le temps, là, dans les épisodes de vie, si on veut. Donc, c'est à peu de choses près égal. Alors, donc, mais ça, c'est important de le dire parce que les gens disent souvent « Ouais, mais on va payer beaucoup pour les personnes âgées. On paie pour les étudiants qui vont à l'école. » Mais à chaque étape de la vie, finalement, on en retire quelque chose, mm-hmm. peu importe. Il y a tout, je sais pas moi, par exemple, tous les services liés à l'entretien des routes, tous les services municipaux dont profitent les propriétaires de maisons, etc., etc. Donc, il faut, quand on se met à réfléchir à l'ensemble des services publics, on se dit, ouais, mais c'est vrai, effectivement. Il y a certains publics certains services sont plus utilisés à certains âges de la vie, mais il y en a d'autres qui sont utilisés à d'autres âges, et ça s'équivaut dans le temps. D'accord. Donc, c'est à peu près égal, effectivement. C'est assez intéressant comme résultat, puis c'est surprenant, enfin, entre guillemets, surprenant. Que ben, c'est pas une autre façon de voir les choses, effectivement. Ouais, Arrêtons de se sentir coupable de payer. Non, parce qu'on en retire des bénéfices, peu importe le niveau de salaire qu'on a, on en retire des bénéfices. Ouais, tout à fait. Mais écoute, là-dessus, on va juste s'interrompre quelques instants, parce que c'est déjà l'heure de faire notre dernière pause musicale, malheureusement. Alors, on va se retrouver quand même tout de suite après pour terminer cette discussion autour de l'étude en question du CCPA. Donc, surtout restez bien branchés, puis à tout de suite. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo, hoy sé que tú ya no me ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas, y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé, y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré, por beber del veneno. Camisa Negra avec Juanes. Merci Jeanne. Alors, vous êtes toujours sur CKRL, évidemment, avec l'émission Le Grain de Sable. On sera avec vous jusqu'à 18h30. Puis ensuite, vous retrouverez 100% Dynamite avec Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi. Alors, je suis toujours en compagnie de Michel Monnet, que vous pourrez retrouver tous les mois avec sa chronique L'État dans tous ses états. Alors, aujourd'hui, on parlait d'impôts, un sujet dont, finalement, la droite s'est largement accaparée pour essayer de décrédibiliser un maximum le rôle de l'État. Mais Michel, tu es en train de nous dire que, finalement, s'attaquer à l'impôt, réduire l'impôt, c'est en fait une mauvaise décision pour nos finances personnelles, quoi. Oui, les auteurs écrivent d'ailleurs que les défenseurs des réductions d'impôts fuient comme la peste toute allusion à leurs répercussions sur les dépenses publiques. Je les cite parce que ici au Québec, il y a comme un autre discours qui est en train de prendre tranquillement, pas vite, voulant que ce soit même une bonne chose de laisser les individus décider de gérer davantage leur vie que l'État. Mais enfin, généralement, on parle de couper les dépenses de l'État, mais on parle pas beaucoup des répercussions finalement. Et sauf que dans le monde réel, dans le quotidien, il faut équilibrer les budgets. Si t'as un dollar de moins de recettes, ben c'est un dollar de moins de payer les services publics. T'as beau tenter d'améliorer la façon de les livrer, il y a toujours place à amélioration. Il reste que t'as moins d'argent pour offrir les services publics. Alors, la question qui se pose, c'est quand on réduit les impôts, c'est contrebalancé par quoi? Une baisse correspondante du financement affecté aux services publics, c'est qui va perdre, c'est qui va gagner là-dedans. Mm-hmm. Alors, et c'est généralement, c'est ce qui est intéressant de l'étude, c'est qu'on en conclut qu'à peu près tout le monde est perdant. D'accord. Bon, il y a peut-être les gens qui ont des salaires très élevés, parce que pour eux, finalement, c'est une portion moindre de leurs revenus globaux. Mais il reste que même eux, bon, ils ont fait des calculs, par exemple, ça c'est intéressant. Ils ont calculé que réduire la TPS avait, par exemple, la réduction de la TPS pour les ménages dont les revenus se situent entre 110 000 et 200 000 $ c'est à peu près 50 $ par année que ça donne de gain. Pour les ménages dont les revenus dépassent 200 000 $ c'est à peu près 200 $ de gain. Alors, c'est très peu. Oui, c'est même ça. Pour ces gens-là, s'ils se mettaient à analyser correctement, finalement, les choses, ils réaliseraient que ben peut-être qu'il serait mieux d'en payer plus d'impôts. Donc, collectivement, pour l'État, ça correspond vraiment à un gros manque à gagner. Oui, parce qu'ils doivent payer plus cher. Je voyais cette idée là que maintenant il va falloir payer pour aller voir un médecin, il va falloir payer les cliniques de plus en plus pour toutes sortes de services, dans les écoles, dans les universités, c'est la même chose. De plus en plus les gens vont devoir sortir de l'argent de leur poche. Et quand tu calcules tout ça, tu finis par te dire ouais, mais peut-être que j'aurais été mieux de continuer à payer mes quelques centaines de dollars d'impôts de plus par année. Mm-hmm. Parce que je vais les payer doublement et même dans certains cas triplement finalement cette baisse d'impôts. Tout à fait. Justement, on parle université, etc. Donc, ça rappelle un petit peu tout le débat qui est actuellement au Québec. Tu pourrais nous dire un peu ce qu'il en est au Québec? Il n'y a pas vraiment. Les auteurs n'ont pas fait une analyse promesse par promesse. Donc, il n'y a pas de chiffres précis sur le Québec. Je vais référer à une étude. On a peut-être déjà oublié parce que certains pensent qu'on l'a mis dans une tablette, une étude du comité consultatif sur l'économie et les finances publiques. On se rappelle de cette étude qui est quand même pas tellement vieux, ce comité-là. Et le comité disait, par exemple, les choix auxquels fait référence le comité devraient viser un niveau de dépenses publiques respectant notre capacité de payer, une fiscalité efficace ne compromettant pas notre développement économique, une dette sous contrôle dont l'importance n'hypothèque pas les choix de nos enfants. Et il disait, bon, on dépense plus que ce qu'on gagne. Il y a un collectif d'économistes au Québec qui s'appelle l'économie autrement, qui a finalement contesté cette vision-là des choses et qui propose une autre lecture des services publics. C'est pas vrai qu'on vit au-dessus de nos moyens. C'est pas vrai que, par exemple, si la population québécoise se limitait aux mêmes services publics que celle de l'Ontario, effectivement, on aurait 17 milliards de moins de dépenses publiques. Mais il faudrait les payer, ces dépenses-là. Si on les paye pas par nos impôts, il faudrait les payer de toute façon. Alors peut-être qu'il vaut mieux effectivement accepter ici de payer un peu plus d'impôts parce que c'est la situation au Québec et c'est là la différence avec le reste du Canada. Effectivement, on paye un peu plus d'impôts ici au Québec. On pourra y revenir là-dessus. Mais par contre, l'assurance automobile nous coûte moins cher, l'assurance parentale, l'assurance médicaments, les garderies à 7 $, les taux de scolarité qui sont plus faibles. Quand on analyse tout ça, l'ensemble des services qu'on a, c'est beaucoup plus rentable pour nous, finalement, d'accepter de payer davantage d'impôts. Et bon, effectivement, il y a un problème de dette. Ça aussi, c'est contesté par les économistes de l'économie autrement, qui disent qu'elle n'est pas si sous hors de contrôle que sur la dette au Québec. Mais peut-être finalement qu'on devrait prendre une calculatrice et se mettre à calculer, essayer d'estimer finalement si on devait payer tout ce qu'on a en service public dans une année et selon les différentes étapes de la vie, comparé à ce qu'on paie en impôts, mais peut-être qu'on réaliserait, comme l'ont fait les économistes qui ont fait l'étude du Centre canadien de politique alternative, que ben on serait mieux finalement de dire au gouvernement, mais c'est vous, gardez-la l'argent. Gardez-la. C'est ça. Ouais. Bon, ben, on a un appel lancé à nos économistes québécois s'ils veulent se lancer dans une étude comme ça, ce serait intéressant. Ouais. Pour une fois, hein. Bah, écoute, Michel, merci beaucoup. On va devoir se quitter là-dessus puisque malheureusement c'est fini pour aujourd'hui. Donc, on se retrouvera dans un mois pour une prochaine chronique. Oui. Merci à Jeanne Gutiérrez qui est à la mise en onde ce soir pour son choix musical toujours extrêmement pertinent. Puis donc, merci à Michel pour sa chronique. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles via le site de CKRL. Donc, vous pouvez vous rendre sur www.ckrl.qc.ca et retélécharger toutes les émissions passées. Vous pouvez également vous les procurer via le site Data Québec. Je vous invite aussi à les visiter, www.quebec.attaque.org. Là, en plus de trouver le lien vers les enregistrements, vous pourrez aussi avoir toutes les informations sur l'organisme. Vous pourrez voir la façon de devenir membre éventuellement pour ceux qui seraient tentés. Et puis aussi, vous aurez des informations sur toutes les campagnes qu'on a en cours. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous écrire ici à l'émission si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez des remarques à faire sur l'émission, si vous avez des demandes de sujets à traiter, peu importe. N'hésitez surtout pas à nous écrire. L'adresse, c'est legrainsable@hotmail.com. Donc, on attend vos messages. Alors, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec le retour tant attendu de notre animatrice Valérie Blouin. Alors, dans l'immédiat, je vous laisse en compagnie de Jean-Baptiste Duvigneau et Goulwendi avec leur émission 100% Dynamite. Tout de suite après, ces quelques publicités, toujours sur les ondes de CKRL 89.1, cette radio qui cultive tes goûts.